Psaume 132. Cantique de Mahalot. Ô Éternel, souviens-toi de David, et de toute son affliction. Lequel a juré à l'Éternel, et fait vœu au puissant de Jacob, en disant. Si j'entre au tabernacle de ma maison, et si je monte sur le lit où je couche. Si je donne du sommeil à mes yeux, si je laisse sommeiller mes paupières. Jusqu'à ce que j'aurai trouvé un lieu à l'Éternel, et des pavillons pour le puissant de Jacob. Voici, nous avons ouï parler d'elle vers Ephra, nous l'avons trouvé au champ de Jar. Nous entrerons dans ses pavillons, et nous nous prosternerons devant son marchepied. Lève-toi, ô Éternel, pour venir en ton repos, toi, et l'arche de ta force. Que tes sacrificateurs soient revêtus de la justice, et que tes bien-aimés chantent de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne fais point que ton loin tourne le visage en arrière. L'Éternel a juré en vérité à David, et il ne se rétractera point, disant, je mettrai du fruit de ton ventre sur ton trône. Si tes enfants gardent mon alliance, et mon témoignage que je leur enseignerai, leurs fils aussi seront assis à perpétuité sur ton trône. Car l'Éternel a choisi Sion, il l'a préférée pour être son siège. Elle est, dit-il, mon repos à perpétuité, j'y demeurerai, parce que je l'ai chérie. Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasirai de pain ses pauvres. Et je revêtirai ses sacrificateurs de délivrance, et ses bien-aimés chanteront avec des transports de joie. Je ferai qu'en elle germera une corne à David, je préparerai une lampe à mon loin. Je revêtirai de honte ses ennemis, et son diadème fleurira sur lui.